Laitier de nuit de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Quatrième épisode. Fable politique et chimérique, où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Irina ne retourne pas travailler. Semyon apprend par son ami Volodka qu'il part la nuit retrouver une belle blonde, ce dont il ne garde aucun souvenir le jour. La veuve du pharmacien entraîne Véronica pour lui présenter son défunt mari qu'elle se prépare à embaumer et à ramener à la maison. Boris rachète ses ampoules mystérieuses à Dima et Valia fête l'arrivée du nouveau chat. Mais c'était sans compter sur le retour inattendu du véritable Mourik d'entre les morts. Valia accuse la sorcellerie. Et si c'était le diable qui avait ramené ce chat? Les questions, même non formulées, réclament des réponses pour vous laisser en paix. Autrement, elles démangent et lancinent comme des piqûres de moustiques. Ainsi, les histoires continuent. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Le réveil pour Irina fut doux, comme durant son enfance. Elle n'avait pas envie de se lever. Dehors, entre-temps, une voiture s'était arrêtée. Elle pensa à Yegor. En hâte, elle se leva et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Mais ce n'était pas la voiture de Yegor qui était garée de l'autre côté de la clôture. Oui, j'arrive. Irina Anatolievna est chez elle. Qu'est-ce que vous lui voulez? Dites-lui de se préparer. D'accord. Et faites vite. Irina, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux crânes rasés en manteau noir. Oh, mais t'as dû fâcher quelqu'un d'important. Non. Peut-être bien que t'as privé de lui le peinture de ministre. Allez, habille-toi, vite. Oui. Irina acheva de s'habiller. Ses mains tremblaient. Son regard rencontra deux hommes sur le seuil, immobiles, comme en sentinelle. Dépêchez-vous. Leurs yeux étaient froids et indifférents. On pourrait rentrer chez moi. Allez, on y va maintenant. Un quart d'heure plus tard, la voiture s'arrêtait devant l'immeuble familier. L'homme au manteau de cuir poussa Irina à l'intérieur et claqua la porte derrière elle. La porte de la pièce en face du bureau était entrouverte, et Irina vit du coin de l'œil que la baignoire était à nouveau emplie de lait. Une jeune femme en peignoir blanc en mesurait la température avec un thermomètre. Vera ? Irina, va voir la directrice, elle t'attend. Oui. Entre et ferme la porte derrière toi. Peut-être que tu peux me pourrir la vie impunément. Tout à coup, madame trouve qu'elle ne gagne pas assez. Je te jette à la porte, moi. À poil et pieds nus. Irina regarda la directrice avec plus d'étonnement que de frayeur. Elle se demandait pourquoi on avait eu besoin d'envoyer une voiture la chercher dans son village pour simplement la menacer de la flanquer dehors. Combien tu voudrais toucher pour revenir? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu toucheras 300 rivnia de plus par mois. Et voilà une prime. Mais ne va surtout pas imaginer que c'est de ma part. Va travailler. Oui. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Le matin, Semyon téléphona à une vieille connaissance, Serioga, un ancien sergent de la milice devenu colonel. Il lui demanda de se renseigner pour savoir si le meurtre du pharmacien avait été élucidé. Mais aucun dossier de ce genre n'existait. Aucun dossier. D'accord. Interloqué par la nouvelle, Semyon s'habilla et sortit dans la rue. Il marcha jusqu'à la pharmacie qui, au dire de Véronica, appartenait au défunt. Une femme vêtue d'une blouse blanche trônait au comptoir, occupée à lire un journal. Excusez-moi. Votre patron a bien été assassiné? Vous venez pour parler ou pour acheter un médicament? Donnez-moi une boîte de préservatifs, là. Celle sur le comptoir. Virevnia. Voilà. Alors, il a été assassiné? C'est une patronne que nous avons, pas un patron. À l'expression que la pharmacienne affichait, on comprenait qu'il était inutile d'insister. Sémion sortit de l'officine, regarda autour de lui et aperçut une vieille femme avec un petit chien assise sur un banc près de la porte voisine. Il s'approcha et l'interrogea sur le pharmacien assassiné. Et comment? Ils l'ont tué? Entièrement lardé de coups de couteau? On dit qu'il fabriquait des potions rajeunissantes pour les députés. Et c'est bien pour ça qu'ils l'ont expédié là-haut. Excusez-moi. Oui? Sémion? C'est Gennady Ilitch. Dis-moi, je suis à l'Assemblée, mais je serai libre dans une petite demi-heure. Rendez-vous à l'Hôtel National. Tu m'attends au bar, d'accord? Très bien, j'arrive. Merci, madame, au revoir. Borispol, rue du 9 mai. Le délire mystique de Valia à propos des deux mouriques qui ne seraient qu'un seul et même chat n'effrayait plus Dima. Mieux, il l'arrangeait plus tôt, car il n'avait plus à fournir aucune explication. Les deux mouriques s'étaient partagés le territoire de la maison de telle manière qu'ils ne se retrouvaient jamais nez à nez. Dima avait compris tout seul que l'usurpateur acheté à la femme du marché aux oiseaux appartenait maintenant à Valia, et que par conséquent, il lui revenait à lui de défendre les intérêts du vrai mourique. Ce matin, alors que celui-ci commençait à se déplacer de manière plus assurée sur son territoire, Dima entraîna de nouveau l'animal dans le garage et lui servit dans une assiette le contenu d'une nouvelle ampoule. Sans trop savoir pourquoi, il soupçonnait que ce médicament aiderait le chat à recouvrer ses forces. Puis il se rendit au travail pour prendre son service. Salut! On a emmené ton chien. Mon chamin? Où ça? Ça s'est passé hier soir, il paraîtrait que le chien serait malade. Le commandant dit que tu peux prendre 2-3 jours de repos, comme tu veux. De repos? Mais c'est quoi cette histoire? Bon allez, j'y vais, j'ai du boulot, salut. Le moral au plus bas et soupçonnant une embrouille, Dima rentra à Borispol par le bus régulier. Avant de pénétrer dans la cour de sa maison, il se rendit à l'immeuble abandonné. Il s'en fut jeté un coup d'œil au puits dans lequel il avait jeté la dépouille de Mouric. Le tas d'ordures avait encore monté, mais pas de chat. À peine arrivé chez lui, on frappa à sa porte. Sur le seuil se tenait une femme. Bonjour. Et un tout jeune milicien. Qu'est-ce que c'est? Nous recherchons Monsieur Kansky. On ne serait pas passé vous voir au cours de ces deux derniers jours? Kansky, c'est qui? Il travaille avec vous à l'aéroport, au service des bagages. Ah, Boris! Non, il n'est pas passé. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose? Il se livrait à une espèce de trafic de médicaments ces derniers temps. Ah bon? Il y a 2 jours, un acheteur l'a appelé et il lui a commandé pour 1000 rivnia de marchandises. 1000 rivnia. Boris est allé au rendez-vous et il n'est pas revenu. Vous n'aurez pas dit où il prenait ses médicaments? Non, il a un copain qui s'appelle Genia. Peut-être qu'ils ont monté un plan ensemble. Genia a été enterré il y a 4 jours. Genia est mort? Il s'est empoisonné avec de la vodka frelatée. Je pourrais vous parler seul à seul? Bien sûr. Vous me donnez 5 minutes? Allez-y. Entrez, entrez, je vous prie. J'ai besoin du médicament. Pardon? Mon frère aîné est malade. J'ai acheté à Boris quelques ampoules et mon frère, ça l'a tout de suite soulagé. Il est revenu à la vie, littéralement. Il est sorti se promener dans la rue et il a bondi devant une voiture au moment où le gosse des voisins l'est passé dessous. Non seulement il a sauvé le gosse, mais il a réussi à s'écarter à temps. Alors que la veille, il pouvait même pas se lever de son lit. Boris vous a peut-être dit où il se fournissait? Non. Je paierai ce qu'il faut. Bon, je vais essayer de savoir. Je vous le revaudrai. Tenez, ça c'est mon numéro. Vous pouvez me joindre quand vous voulez. Très bien, je vous promets rien. Puis les importuns s'en allèrent, laissant Dima dans un état de légère inquiétude quant au sort de Boris et à son propre avenir. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Irina sortit de son sac l'enveloppe reçue de la directrice. Elle en tira 2 billets de 500, tout neufs, sourit, et remit l'enveloppe dans son sac. Quand elle entra dans la cuisine, sa mère arborait un sourire. Étrange. Il y avait deux tasses vides sur la table et une petite tarte déballée, à moitié consommée. Quelqu'un est venu ? L'homme de l'autre jour. Il cherchait après toi. Igor ? C'est ça. Il a joué avec Yassia, il l'a tenue dans ses bras. Ben, figure-toi qu'il habite à côté, à Kodra. Je sais. Sa mère est paralysée. Elle reste enfermée tout le temps chez elle. Et lui, il paie une voisine pour qu'elle aille la voir et lui donne à manger. J'ai dit qu'il avait qu'à la vendre, cette maison. Et on a acheté une près de chez nous. Maman. Oh, ben il y en a 23 qui sont vides, rien que dans notre rue. Je pourrais la veiller, moi, sa mère. Il t'a apporté un autre cadeau. Ah. Et puis il a dit qu'il repasserait demain matin vers 10h. Vers 10h? Mais à 10h, je serai déjà à Kiev. Le lendemain, Irina partit pour l'arrêt de bus. La route était muette. Rien n'y bougeait. Toutes les étoiles brillaient encore dans le ciel. Dans 5 heures, Yegor viendrait la voir et elle ne serait pas à la maison. Deux yeux jaunes émergèrent au loin. Irina reconnut la navette qu'elle attendait. Elle se sentit soudain nerveuse. Elle recula pas à pas du bord de la route. Et quand le véhicule stoppa, elle s'accroupit derrière le vieux chêne qui marquait le début de sa rue. Le minibus attendit 2 ou 3 secondes et redémarra. Irina le suivit des yeux, puis sortant de sa cachette, s'en retourna chez elle par le même chemin. Quand Yegor s'en fut rendre visite à Irina, elle était partie faire de la luge avec Yassia. Oh, ma Yassia, ça te plaît la luge, hein? Bonjour. Bonjour. Je peux pas rester très longtemps. Je dois être à midi au travail. Mais je voulais vous voir. Pas de séquelles de l'accident ? Non. Mais aujourd'hui, j'ai raté la navette. Vous aviez pourtant promis de rester toute une semaine chez vous. Il faut que j'aille à Kiev. 2 hommes sont venus hier. Comment ça, 2 hommes ? De type au crâne rasé. Ils m'ont emmené de force au centre. La directrice a insisté pour que je reprenne mon poste et m'a donné de l'argent. Je n'ai pas le choix. Ils n'ont pas le droit de vous menacer. Et vous avez besoin de vous reposer. Vous ne devez pas retourner là-bas. Compris ? Compris. Je reviendrai. Kiev, café de l'Hôtel National. Semyon arriva le premier au bar de l'hôtel. Il s'assit à une table et commanda une tasse de café. Gennady Ilitch entra peu après. J'ai viré mon assistant. Je voudrais te proposer sa place. T'inquiète pas, ça changera rien pour toi, sinon que tu toucheras plus d'argent, mais sorti de la caisse de l'Assemblée et plus de ma poche. Pour toi, ça veut dire des honneurs, une expérience professionnelle, du respect. Et moi, ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, d'accord. Bien, merveilleux. Je peux vous poser une question ? Je t'écoute. Vous avez entendu parler d'un médicament rajeunisseur importé d'Allemagne ? Un médicament ? Mais les médicaments, c'est de la chimie. Et la chimie, ça fait crever les gens au lieu de les rajeunir. Crois-moi, la jeunesse, on la retrouve avec autre chose. Ah bon ? Avec quoi ? Avec les produits laitiers frais. Et le meilleur de tous, c'est le lait maternel. Fini le temps des lactariums pour les gosses. À présent, ils sont pour les adultes. Ma femme aussi est adepte de ces trucs-là. Elle va sur ses 45 berges, mais je peux te dire que ce qu'elle a sur le cul, c'est de la peau de bébé. Et sans chimie, sans chirurgie. Pourquoi tu me demandes ça ? Tu as l'intention de te lancer dans la politique ? Pourquoi la politique ? Parce qu'en politique, le plus important, c'est d'avoir un teint de jeune fille, une mine de porcelet bien nourrie. C'est pour les gens comme ça qu'on vote. Semyon regarda Gennady Ilitch et se dit qu'il parlait pour lui-même. L'homme n'avait pas une ride, ses joues étaient bien colorées, ses lèvres pleines, fermes et pulpeuses, comme la majorité des députés d'ailleurs. Dis-moi la vérité. Lisse, brillant, radieux. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que près de chez moi, un pharmacien a été assassiné il y a quelque temps. Et la rumeur court qu'il trempait dans un trafic de médicaments pour rajeunir. Foutaise! Les pharmacos y vendent du tramadol et d'autres saloperies du même genre. Je suis bien placé pour le savoir. Resté seul, Sémion réfléchit au pharmacien qui soit avait été tué, soit n'avait jamais existé. Il pensa à sa femme qui, malgré tout, s'était liée d'amitié avec la veuve de ce pharmacien. Il pensa au lait maternel que les politiciens devaient boire pour avoir une chance d'être élus. Et puis finalement, Sémion cessa de penser, car toutes ces réflexions, qu'on les mit ensemble ou qu'on les considéra une à une, pouvaient être qualifiées de délire de fou. Or, il ne se tenait pas pour fou. Borispol, rue du 9 mai. Dima avait déjà téléphoné deux fois à son travail pour demander quand il pourrait retourner exercer ses fonctions. Mais on lui avait répondu de manière évasive que son chien Chamil était encore à la clinique vétérinaire et qu'il fallait par conséquent attendre. Dima se souvint de la demande du jeune milicien. Il l'appela et il convint de se retrouver le soir même. Voilà, 10 ampoules. Le prix a augmenté. C'est pas moi qui les vends, c'est un collègue à vous. De la milice? Oui. De Borispol? Ben oui. Bon, combien je te dois? 400. 50. 450. Salut. Le milicien s'acquitta de son dû, serra la main de son hôte et s'en alla. Valia rentra du travail. Dima, pour fêter ça, remplit 2 verres de gnôl. Il en vida un et porta l'autre à Valia. T'es pas au boulot ? Mais je te l'ai dit, Chamil est tombé malade. Je vais peut-être devoir prendre un autre chien. Oh. Tiens, goûte-moi ça. Merci. Santé. Peut-être que tu ferais mieux de laisser tomber ce boulot. Bois. Et quoi ? Je ferais quoi ? Bah, tu m'aiderais au travail. Bah, je t'aiderais à quoi ? Nous allons avoir un bébé. Quoi? Oui. Oh, c'est magnifique. C'est pour quand? Dans 7 mois. Pendant que je serai en congé maternité, tu pourrais tenir la caisse à ma place. Et ensuite, on se relairait. Ouais. C'est bien payé. D'accord. Dima sentit en lui une fierté qu'il ne parvenait pas entièrement à expliquer. Fierté d'avoir fait une bonne transaction ou fierté d'être bientôt père. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. La Mazda rouge filait comme une fusée. Yegor ne pensait pas à la route. Dans sa tête résonnait encore la voix criarde de la directrice d'Irina. Or, que lui avait-il dit de si terrible? Il était seulement entré, s'était assis en face d'elle et lui avait fermement demandé de laisser Irina Mais tranquille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta grossesse? Pouvait-il imaginer qu'elle ferait un tel scandale? Qu'elle ne remette plus les pieds ici. Il tira un stylo et une feuille de papier de la boîte à gants et rédigea un message. Puis il roula par le chemin verglacé jusqu'à la maison d'Irina et ficha le billet roulé en tube dans l'interstice de la porte. Après quoi, elle remonta en voiture et s'en fut chez lui. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Ce matin, Véronica avait envie d'être un peu seule, mais un coup de sonnette à la porte d'entrée la tira de ses réflexions. Sur le seuil se trouvait leur voisin, Igor. Je peux vous voir une minute? Oui. Vous avez appris quelque chose? Oui, mais peu. On m'a menacé. Mais qui vous a menacé? Il y a 2 nuits, j'ai pris votre mari en filature. Mais il n'y avait pas que moi qui le suivais. Un type en civil aussi. Il m'a coincé contre un mur, j'ai compris, tout seul, que je gênais. Mais vous savez qui c'était? Pas un de la milice, en tout cas. Plutôt des services de sécurité. Je suis un trouillard. On a cherché à me faire peur, c'est vrai. Mais si vous le voulez, je continue. Vous le voulez? D'accord. Juste une dernière fois. Je laisse la couronne là, pour l'instant. Ah, je te présente Igor, mon voisin. Igor, voici Daria Ivanovna. Je dois filer. Au revoir. peu insignifiant comme type. Ben, on choisit pas ses voisins. La pharmacie a été cambriolée cette nuit. Ils ont tout retourné sans dessus dessous. Il faut que je vende cette officine au plus vite. Je ne sais pas quoi faire. Tu crois que je dois appeler la milice ? Il faut l'appeler, bien sûr. Mais s'il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait, et que la milice arrive et réussisse à le découvrir. Tu sais, j'ai trouvé un truc. Juste après sa mort, je l'ai trouvé et je l'ai caché ailleurs. Peut-être alors qu'il vaut mieux se passer de la milice. Si tu veux, je t'accompagne là-bas, pour remettre de l'ordre. C'est vrai ? Tu viendrais avec moi ? Oui. À deux, ça fait moins peur. Boris Paul, rue du 9 mai. Hein ? Oui ? Dima, c'est Vania. Ton chien est mort. Quoi ? Chamil ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'en sais rien. Il était malade, non ? Bah pas du tout, il était pas malade. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si j'étais toi, j'éviterais de poser des questions. Mais... Fais ton deuil, prends encore quelques jours de repos. Et le commandant te contactera quand on aura un autre chien pour toi. La nouvelle de la mort de son chien Chamil prit Dima au dépourvu. Il s'en fut au garage, posa une bouteille et un verre sur le minuscule tabouret, se servit, évoqua dans sa mémoire l'image de son chien. À un moment, il eut froid. Il monta dans sa voiture, mit le moteur en marche et alluma le chauffage. Il inclinait au sommeil, l'habitacle du véhicule se faisait de plus en plus accueillant et confortable. Soudain, il lui sembla que quelqu'un frappait du poing de toutes ses forces contre la porte du garage. Dima se réveilla, inspira profondément, mais l'air semblait manquer. Refusait d'entrer dans ses poumons. Quelque chose n'allait pas qui faisait que l'air, dans la voiture, n'était pas bon à respirer. Et là, il sentit comme une violente piqûre au talon. C'était la mort. Le banal accident mortel par asphyxie au monoxyde de carbone. Déployant ses dernières forces pour s'extraire de la voiture, il parvint à esquisser quelques pas chancelants en direction de la porte du garage, l'ouvrit et s'affala à plat ventre dans la neige. Sur le champ, une masse brûlante effleura son visage. Il tendit la main vers sa joue, ses doigts rencontrèrent une boule duveteuse, douce et chaude comme un pelage de chat. C'était Mouric. Ou plutôt son mourlot, qui de son flanc réchauffait le front et la joue droite de son maître livide et presque mort d'effroi. C'était L'étier de nuit, de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs, et Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Clara Noël, Émeric Le Serre, Marie Daude, Florent Shep, Corinne Juresco, Cyril Botorel, Xavier Xapla, Luce Mouchel, Bruno Abraham Kremer, Béatrice Champagné, Myriam Derbal, Martine Legrand, Sylvie Ferrus, Yvette Caldas,